Studec Web. Studec Web, bon après-midi, il est 15h. Studec Web, les infos. L'actu en 2 minutes 30, Alexandre Bratek. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. En politique, les socialistes s'associent aux communistes et aux insoumis pour déposer lundi prochain une motion de censure. En clair, la motion de censure est un moyen de faire plier le gouvernement ou de les faire démissionner. Une occasion qui permettra de faire avancer le débat au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de travailler ensemble, indique le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Pour Alexis Corbière de la France Insoumise, la vraie puissance est celle des Gilets jaunes, celle du peuple mobilisé. C'est notre rond-point à nous et nous l'occupons. Le dépôt doit recueillir 10% des députés, soit 58 élus. La droite, quant à elle, ne s'y est pas associée. Toujours en politique, l'Élysée craint des débordements violents samedi, ainsi qu'un noyau dur de casseurs et de pilleurs. La grogne ne baisse pas d'un cran, même après les suspensions des hausses des taxes et des tarifs de gaz et électricité pour 2019. Le président a demandé aux syndicats et aux patronats de lancer un appel clair et explicite au calme. Emmanuel Macron est souvent perçu chez ses partenaires européens comme un rempart contre le populisme et sa difficulté de faire face à la fronde des Gilets jaunes interpelle autant qu'elle inquiète ses voisins selon les observateurs internationaux. Contestation sociale cette fois chez les lycéens et étudiants. Un appel à la mobilisation générale avait été lancé dans les lycées aujourd'hui. 146 personnes ont été interpellées à Mantes-la-Jolie et à Limay dans les Yvelines. Près d'une centaine d'établissements sont perturbés en Île-de-France et partout ailleurs. Des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs communes. À l'Académie de Versailles, 55 établissements sont perturbés, 11 sont bloqués. Et au niveau des universités, une quarantaine d'individus ont essayé de pénétrer de force dans la Sorbonne, mais ne sont pas rentrés. L'établissement a été fermé pour mesure de sécurité. D'autres universités sont perturbées, celle de Tolbiac ou celle de Sancier. En économie, la France introduira dès 2019 une taxe nationale sur les géants du numérique Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire. Les pays européens discutent quant à eux d'une directive présentée en mars par la Commission européenne. Elle sera prélevée sur le chiffre d'affaires des géants du e-commerce. Et côté météo, l'après-midi sera souvent maussade sous un ciel couvert de la Lorraine à l'Alsace. Les maximales atteindront encore 16 à 18 degrés et les minimales afficheront 6 à 11 degrés. Retrouvez dès à présent Studec Borderline. Merci Alexandre, nouvelles infos à 15h30. Studec Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h-16h, c'est Borderline sur Studec Web. Bonjour à tous, bienvenue sur Studec Web, c'est Borderline. On est trop content avec l'équipe de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'après-midi entre 15h et 16h. On est déjà jeudi, bon, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Mais bon, le week-end approche, alors ça fait plaisir. Vous le savez maintenant, tous les après-midi avec vous, on parle actu, médias, musique, séries, enfin bref, tout ce que vous kiffez. Bien sûr, je ne suis pas seule, Morgane est là. Salut Julie, salut Coco, salut tout le monde. Eh ben écoute, moi je vais parler, je vais vous en apprendre un petit peu plus sur la science et puis je vais vous parler d'une jeune artiste de 24 ans. Cool, Coco est là aussi. Salut Julie, salut à tous. Et pour moi, bah écoute, on va parler humour avec Roman Frécinet. Le jeune talent là, qui défonce un peu tout là, dans le monde de l'humour. Et le retour du journal de la désinfo. Évidemment, bien sinon les amis, n'hésitez pas à réagir avec nous pendant l'émission sur tous les réseaux sociaux de Studec Web. On a Insta, Facebook, envoyez toutes vos réactions. D'ailleurs avant l'émission, là j'ai checké les messages privés. Il y a Anaïs de Tours qui a adoré notre émission hier avec Fred. C'était cool, c'est vrai qu'elle était très bonne. Ouais, Fred de Fun Radio, il est présent le 9h midi. Donc Anaïs, merci, ça nous fait super plaisir. Regardez-nous aussi, on est en live sur Dailymotion en ce moment. Salut. Coucou. Le saviez-vous ? Studec Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Morgane, c'est à toi. Et oui, et j'ai décidé de continuer sur le sujet scientifique et j'y ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Est-ce que vous savez d'où viennent nos larmes ? Moi, je sais pas du tout. Ça va être un truc, ouais, un peu la transpiration, je pense, non ? Ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé, ça va être quelque chose comme ça ? Eh ben, pas du tout. Alors déjà, nos larmes, c'est un liquide appelé lacrymal et il est contenu dans une poche de 0,425 millilitres sous chaque œil. Et sa capacité de contenance est donc restreinte, mais le corps humain est bien fait, puisque la production de larmes n'est pas illimitée, elle peut atteindre 0,1 millilitres par heure, soit environ 80 à 100 litres de larmes versé dans une vie. C'est extraordinaire. Je suis par contre, je suis déçu. Parce que moi, mon père, il m'a toujours dit, ouais, pleure plus. En fait, tu pisseras moins ce soir aussi, au lit. Ça, toujours. Et je pensais que ça avait un rapport, alors pas du tout. Aucun rapport. Mais bon, après, toutes ces données, elles sont à prendre quand même avec des pincettes, parce que vous doutez bien que c'est quand même propre à chaque personne. Bien sûr. Et vous n'avez pas l'impression de vous sentir un peu plus intelligent là maintenant? Bah si, merci Marianne. Bah moi je sais pas, moi je suis fière, je me sens un peu illuminée. Bon non. Bah allez, on va pleurer, on pleure tous ensemble. Allez, c'est parti. Non, j'exagère, allez. Mais bon, ça fait du bien d'avoir des connaissances un peu scientifiques, non? Ah bah oui. Bah oui, moi j'adore. Je me sens plus intelligente. Dans moins de 5 minutes, le plat du jour de Corentin et notre sondage. Ouais. On va parler de Noël aujourd'hui. On reste dans l'actu, on est le 6 décembre, le 24 approche, j'ai trop hâte. Mais avant ça, c'est Josh Jonathan, la chanteuse française de 29 ans, qui prend la suite sur StudecWeb. Si peu de choses et tellement tout qu'on ne sait plus très bien pourquoi on joue. On se laisse, on se lasse, on abandonne vite à la surface et quand tout dégringole, on se carapace. Je tape plus fort. Je passe à tabac tous mes remords. Je me battrai sans avis, mais personne. Et je branche tout sur on. Enon, enon, enon, enon. Je tape plus fort. Quand au fond de la poitrine ça cogne, je prendrai soin de n'abîmer mais personne. Et je branche tout sur on. Enon, enon, enon, enon. On se Web, son dernier album On est dispo depuis le 5 octobre sur toutes les plateformes de téléchargement, alors foncez l'acheter. On va maintenant lancer le sondage du jour. Est-ce que vous préférez Noël ou le Nouvel An? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Excuse-moi, oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui en sont en train de réagir sur notre page et ils veulent savoir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des larmes, ils veulent savoir pourquoi on pleure. Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est une façon d'alerter et d'évacuer les tensions. En fait, plus tu vas pleurer, c'est des mécanismes qui vont signaler un danger ou un stress. Et en fait, ça va amener les autres à porter une intention sur toi. Ça m'étonne même pas. Tu vois, moi, j'ai pleuré quand j'ai eu le bac, par exemple. J'étais tellement stressée qu'une fois que j'ai su que je l'avais, j'étais soulagée. Voilà. Ouais, même moi aussi, j'ai pleuré pour le bac. J'ai voulu répondre à leur question. Et ben, c'est très bien, Morgane. Du coup, je vous disais, la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est est-ce que vous préférez Nouvel An ou Noël? Alors, vous, autour de la table, quel est votre avis? Nouvel An. Nouvel Moi, An, je les préfère copains. Noël. Moi, je suis très très famille, hein, vous le savez, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille et Noël, pour moi, c'est vraiment la définition de la famille. Ouais, plus moi, je suis d'accord avec Morgane, je préfère Noël, la magie de Noël, tout Moi, c'est moi, c'est le Nouvel An, les larmes, la sécrétion, on extériorise tout, on pleure, on se fait des bisous sur la bouche, sur les joues, sur les nez, partout. Moi, j'adore ça. T'es plus pote. Ouais, les copains. C'est pour ça. En tout cas, on a lancé le sondage sur Instagram de StudiQueb. Allez vite voter si vous préférez Noël ou le Nouvel An. Pour réagir avec nous à l'antenne, il faut simplement nous laisser votre nom, prénom et numéro de téléphone en MP et on rappellera l'un d'entre vous. Corentin, es-tu prêt pour ton journal de la désinfo? Mais toujours, toujours prêt. Le journal de la désinfo, des infos réelles dans un monde irréel. Et aujourd'hui, c'est spécial Gilets jaunes. Alors, nos amis Gilets jaunes sèment la terreur dans les rues de la capitale. C'est ce que titrait le Parisien ce week-end. Un député a demandé plus de pacifisme dans les actes de nos Gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'est né le mouvement Les Gilets Pisse Jaunes. Ouais, bon, les c'est nul. C'est très très nul. On reste toujours sur les gilets jaunes. Bah oui, c'est le cœur de l'actualité. Rappelez-vous, Jean Lassalle, vêtu d'un gilet jaune à l'Assemblée nationale, qui lui a valu une réprimande. Alors, je trouve ça très dur comme décision. Bah, pour une fois qu'il mettait du jaune ailleurs que dans son verre. Et en parlant, pendant qu'on est sur les sympathisants du mouvement, il y a de nombreuses célébrités qui soutiennent le mouvement, comme Franck Dubosc, Artus, et on a même retrouvé Dave à l'intérieur du peloton de manifestants. Ah non, lui, c'était juste pour enfiler Jill et John. Il y a des opposants. C'est moyen, quand même. Il y a des opposants aussi aux gilets jaunes qui s'appellent les foulards rouges. Ah bah, il nous manque plus que Denis Brogniard et on va se croire dans Koh-Lanta. Et leur sentence est irrévocable. Et pour en finir avec cette édition spéciale gilets jaunes, après je clôture, c'est promis, à Mulhouse, il y a un opposant aux gilets jaunes qui a versé du laxatif dans des soupes servies aux manifestants. Bah bravo, là on peut enfin dire que c'est la France qui en chie. Voilà. Voilà, on se retrouve demain. Oh non, bonne journée. Là, tu déconnes. Mais Corentin, ouais. T'en loupes pas une. C'est un truc de fou, toi, tous les jours. Tu nous en sors une, quoi. Bref, dans moins de 5 minutes, je vous parle de New York. Mais juste avant, on enchaîne avec la chanteuse américaine Laura Pergolizzi, dite LP. Si vous ne la connaissez pas, ce morceau va sûrement vous dire quelque chose. Elle a déjà coécrit des chansons pour des stars immenses comme Rihanna ou Christina Aguilera. Elle est très, très talentueuse et c'est pour ça qu'on vous joue son titre phare de 2009, LP Lost on You, sur StudiQueb. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Lost on you. Is that love? Bonne fin de semaine, vous écoutez Studec Borderline jusqu'à 16h. Je suis toujours avec Morgane et Corentin. Ouais. Si vous voulez nous voir en live sur Dailymotion, rendez-vous sur le site studioecoledefrance.com et cliquez sur la webune. Alors moi, pour commencer, on s'envole, direction... Dans Studec Borderline, on vous en apprend tous les jours. Et bien sûr, on va la refaire. Pour commencer, on s'envole, direction... Ah voilà. Ah, New York. New York, la Statue de la Liberté, les taxis jaunes, Central Park, Times Square. Elle fait rêver cette ville et cet après-midi, je vais vous parler d'une chose insolite que vous pouvez faire à Times Square en ces périodes de fête. Alors Times Square, on le rappelle, c'est un des quartiers les plus connus de New York. Il y a plein de magasins, des musées, des théâtres, bref, c'est immense. C'est bientôt le nouvel an, vous le savez, et aux États-Unis, ils font pas les choses à moitié puisque depuis plusieurs années à Times Square, il est possible d'écrire ses vœux pour la nouvelle année sur des petits post-it. C'est vrai? Et après, ouais, et après, ils sont utilisés comme des confettis. Et le 31 décembre, ils vont faire un grand lâcher de confettis avec tous les petits vœux des gens. Oh, c'est très mignon. Ils sont au-dessus, les Américains. En général, ouais. Ils sont environ 1 million à se déplacer pour voir ça. Et moi, je les comprends. Hein. C'est vrai que ça doit être super beau. Ouais. Et en plus, tu passes le nouvel an avec 1 million de personnes. C'est quand même assez original. Bien sûr, si vous ne serez pas à Times Square pour le nouvel an, comme à peu près pas mal de monde. Oui, Morgane. Mais ils font aussi des concerts, je crois, à Times Square le jour du nouvel an. Il y a énormément d'artistes génial. Qui viennent, qui performent pour tous ces gens qui viennent. C'est incroyable. C'est non, moi, c'est, perso, je peux pas. Ouf. Dès qu'il y a plus de 10 personnes dans le métro, je suis déjà pas bien. Donc, oui, mais le métro, c'est hyper restreint. Là, il y a la taille de la place. C'est hyper grand. Oui, c'est immense. Mais il y a trop de monde. 1 million, t'imagines? Mais c'est ça qui est génial, c'est que tu rencontres des gens que tu ne connais pas et tu partages un moment avec eux. Ah, moi j'aime pas les gens, je ne leur dis pas bonjour. Super content, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, si vous voulez quand même partager un vœu, vous pouvez le faire, il faut juste le poster sur Twitter ou Instagram avec le hashtag ConfettiWish. Et vous pouvez participer jusqu'au 29 décembre. Moi, je trouve ça génial. Limite, ils devraient le faire de la Tour Eiffel à Paris. Ça pourrait être drôle. Ouais, mais je suis sûre que ça rendrait pas le même effet. Et vous, autour de la table, est-ce que vous avez déjà des vœux pour 2019 ou alors des résolutions, comme on dit? Des vœux pour 2019, ouais. Faut déjà y penser maintenant. Ah bah oui. Je galère déjà pour trouver mon cadeau de Noël. Tout le monde me demande, tu veux quoi à Noël? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est tout le monde pareil. Hein. Et pourtant, j'ai plein d'idées dans l'année, tu sais. Paye mon taxe d'habitation, paye plein de trucs. Non, franchement, un vœu pour 2019, qu'elle soit encore plus réussie que 2018. Ah ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. Bah, je pense que ce serait le même vœu, ouais. Ouais, on a tous le même vœu. On est trop chou. On joue au jeu des poupées russes sur Studec Web. Le jeu des poupées russes, rien de plus simple. Morgane et Corentin ont choisi un thème avant l'émission. Morgane, tu as choisi les princes. Et Corentin, le sac à main. Vous devrez choisir un. Encore, ça il a une semaine. Personne n'a choisi encore. Et pourtant, c'est super facile. Hein. Vous devrez choisir entre l'un des deux thèmes et vous devrez donner le plus de réponses à une question en rapport avec le thème en 45 secondes. Choisissez bien celui avec lequel vous êtes le plus Corentin. À l'aise. Choisissez Morgane. Vous pourrez gagner un pack Studec Web et une visite des studios pour nous rencontrer. Ça, c'est ouf. Ça n'a pas de prix. Voilà. Pour vous inscrire, ça se passe sur le Facebook de Studec Web, en précisant votre nom, prénom et numéro de téléphone en MP. Bonne chance à tous. Tout à l'heure, on a lancé un sondage sur Instagram. Est-ce que vous préférez du coup Noël ou le Nouvel An, en famille ou entre amis? On regardera les résultats tout à l'heure et un auditeur nous donnera son avis. Côté son, dans moins de 3 minutes, on aura les thérapies taxi avec Chula. Mais aussi 3 cafés gourmands avec À nos souvenirs. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnome. Bougez pas sur Studec Web. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studec Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez Studec Web. Studec, la web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studec Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studec Web. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute Studec Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Arschlossberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineau. Et vous êtes sur Studec Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studec Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studec Web. Studec Web. Une radio DDI. Studec. Du kiff. Studec Web. Heures, 16h, c'est Borderline sur Studec Web. Avant que ça commence, je préfère te prévenir. On n'a aucune chance, on n'a pas d'avenir. Tout est sur la table, au moins t'es fixé. Pas de faux départ, de cœur agité. Sur le bord de la route, je veux pas m'engager. J'ai toujours fait du doute la seule vérité. Et quand viendra mon tour, j'aurais jamais cru décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre sous la contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans les bars sombres et les soirées. Mais tu sais, tu l'as tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère et que tu sois le plus beau sur la terre. T'en fais pas pour moi, je connais ce petit jeu. J'ai pas l'air comme ça, mais je sais ce que je veux. On est bien d'accord, je vais pas m'attacher. Juste crier encore après tes fessées. Je vais pouvoir me dire que je suis pas trop conne. Que j'ai bien fait de jouir sans qu'on s'abandonne. Et quand viendra mon tour, j'y aurais jamais cru. Décimer l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Choula contre mon corps, j'ai des regrets. Tout ne passera pas dans les bars sombres et les soirées. Mais tu sais Choula, tous les refrains à la radio. S'ils parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère. Notre aventure soit la dernière. Que la magie du love opère. Et que tu sois le plus beau sur la terre. A rigoler comme dans les séries B. Danser des slow avec toi tout l'été. Que la magie du love opère. Et que notre aventure soit la dernière. Mais tu sais tout là, tous les refrains à la radio. S'il parle du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tu sais tout là, tous les refrains à la radio. S'il parle du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Que la magie du love opère et que notre aventure soit la dernière. Thérapie Taxi Choula à l'instant sur Studacweb. Si vous êtes fan, bonne nouvelle, il sera en concert partout en France jusqu'en mai 2019. Tout à l'heure, on a lancé un sondage sur Instagram. Deux teams s'opposent, ceux qui préfèrent fêter Noël ou ceux qui préfèrent le Nouvel An. Alors, est-ce que les résultats ont bougé sur Instagram, Morgane? Les auditeurs préfèrent Noël à 82%. Oh, c'est ils pour sont les cadeaux, ça. C'est pour les cadeaux, c'est sûr. Non, mais est-ce que tu peux croire que les gens, ils ont envie de passer du temps avec leur famille? Non, après, par contre, ce que je peux comprendre, c'est de préférer fêter Noël au jour de l'an, parce que c'est vrai qu'au jour de l'an, on rencontre beaucoup de monde, ce qui fait beaucoup de bisous, et comme c'est la période des maladies, ça fait chier. En fait, toi, tu veux les bisous, c'est ouais, je veux les bisous. Tu veux les bisous. On a Carlos, 21 ans, de Paris, qui veut donner son avis. Comment ça va? Salut l'équipe. Salut, tu fais quoi dans la vie? Je suis boulanger. Boulanger, ah, cool. Ah, tu pourrais nous ramener des croissants, à la radio. Et est-ce que tu sais faire des glands? Tu sais, les pâtisseries? Oh non, je ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire les boulangers, pas pâtissiers. Mais est-ce que chez toi, on dit chocolatine ou pain au chocolat? Ah, moi, je ne veux pas entrer dans le débat, moi. Ok, je lance le débat. Bon. Alors toi, Carlos, t'es plus Noël ou Nouvel An? Moi, c'est plus la nouvelle année. Ah. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est la fin de l'année où on peut... Oui, bah jusque-là, c'est vrai. Hein, te trompe pas. Boire avec modération. Mais toujours la modération, ça c'est sûr, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut enchaîner avec des bonnes résolutions. C'est vrai. Et manger beaucoup de glands. Hein. Aussi. Voilà, bien joué. Des glands. Mais arrête, des glands. Ça existe, c'est une pâtisserie, ça s'appelle des glands, c'est super bon. Mais on connaît, mais... Arrête! Tu exagères. Dites-nous aussi sur les réseaux sociaux si vous préférez Noël ou le Nouvel An. On verra vos réactions. Et merci en tout cas, Carlos. Merci tu nous vous. Rappelles quand tu veux, prochain sondage lundi. Continuez à réagir avec nous sur tous les réseaux sociaux de Studek Web. Dès que vous avez quelque chose à dire, vous le dites et puis on le dira à l'antenne. Bisous, Carlito. Salut. L'alerte média fait son retour. Alors, que se passe-t-il dans le monde en ce moment, Morgane? Bah, écoute, j'ai découvert que Katy Perry, elle était jalouse. Et ouais, il semblerait qu'elle ne veuille pas que son compagnon Orlando Bloom passe du temps avec une fan pour lever des fonds. Je vous remets dans le contexte. En fait, la chanteuse, elle donnait un concert sur la scène du King Gillette Ranch à Malibu, en Californie, à l'occasion du One Love Malibu. Vous savez, organisé pour lever des fonds pour les victimes de l'incendie qui a eu lieu il y a quelques jours en Californie. Et du coup, elle a pas très bien apprécié que son petit ami, il se vende aux enchères. En fait, ce qu'il comprend en fait dans ça, c'est qu'en fait, il offre une balade en moto avec lui et un déjeuner. Alors du coup, les fans, elles se sont ruées sur la vente aux enchères, pardon. Et en fait, elle a pas très bien apprécié. Du coup, elle a décidé de donner beaucoup plus d'argent. Et elle a gagné cette petite après-midi avec son compagnon. Et du coup, elle n'est pas très sympa, la petite Cathy. Hein. Je suis désolée, mais nous aussi, on l'a pas. Elle protège ce qui est à elle. Écoute, bon, elle a le droit aussi. Hein. Alors moi, ça n'a rien à voir. C'est vendredi dernier, c'était la finale de Danse avec les Stars sur TF1. Et c'est Clément Rémien, c'est Denitsa Ekonomova qui ont gagné face à Iris Mittenard et Anthony Colette. C'est la quatrième fois que la danseuse pro Denitsa remporte le trophée. Et sur les réseaux, c'est vrai qu'ils sont beaucoup à penser que la danseuse a été favorisée par la prod. Mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais bon, dans une mais moi interview... ça m'étonne même pas. Bah, c'est... Non, mais c'est elle même danse pas la super danseuse. Bien quand même. C'est même pas la danseuse, c'est qu'en final tu te retrouves avec deux produits de TF1 parce que c'est produit par TF1, Danse avec les Stars, et tu te retrouves avec deux personnes, deux stars, qui les deux bossent pour TF1, un qui fait des téléfilms et l'autre qui est devenue présentatrice sur TF1 sur la même chaîne. Du coup, je sais pas si elle a mal pris toutes les remarques, mais en tout cas, dans une interview, elle a révélé qu'elle n'était pas sûre de signer pour la prochaine saison. Oh, moi, je l'adore quand même, j'aimerais bien qu'elle reste. T'inquiète pas, ils vont lui afficher des millions sur son compte en banque. Elle va dire ah bah alors, je reviens sur ce que j'ai dit, en final, je vais le faire. Hein. J'adore l'émission. Merci. Et moi, pour on part aux États-Unis, on n'est pas sur Paris, on est dans le Colorado. Il y a un enfant de 9 ans qui a mis fin à l'interdiction des batailles de boules de neige dans sa ville. Il s'appelle Dan Best. Il a donné de solides arguments devant le conseil municipal pour mettre fin à une mesure qui avait été prise en 1920 où le conseil avait dit « Écoutez, on arrête les boules de neige, c'est super c'est dangereux. » C'est trop bien. Et ce gamin, il est arrivé comme un vrai politicien. Il a dit « Stop, et tout, on reprend les boules de neige. » C'est bien les boules de neige. Bon, écoutez, c'était l'alerte média qui peut revenir à tout moment. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page Facebook Studek Web pour jouer avec nous aux poupées russes. Vous envoyez votre nom, prénom et numéro de téléphone en MP. Morgane, on le rappelle, ton thème est les princes. Et Corentin? Le sac à main. Vous choisissez... Le sac à main, t'as dit. Sac à main. Le sac à main. Vous choisissez l'un des deux et vous devrez donner un max de réponses à une question en rapport avec l'un des deux thèmes en 45 secondes. Vous allez pouvoir remporter un pack Studek Web. Morgane, on le rappelle, il y a quoi dans ce pack? Alors, il y a une trousse, il y a des t-shirts, il y a des stylos et surtout, il y a une visite guidée des studios. Ça, c'est génial. Qui sait, c'est peut-être vous qu'on va rappeler. Alors, bonne chance à tous. Dans la suite du programme, le retour des infos, Morgane va nous parler d'un nouveau talent avec l'Instant T. Et côté son, on aura 3 cafés gourmands avec à nos souvenirs. On veut du Claudie Musette à en faire de la tête. On veut un vernis chabrol, un petit... On aura aussi un classique de Lady Gaga, I Want Your Love. J'adore cette chanson. Je l'adore aussi, elle est top. Tout ça, c'est dans moins de 5 minutes. Restez avec nous sur Studek Web. Juste après notre émission Borderline, retrouvez Alice et Mehdi qui vous accompagnent de 16h à 17h dans l'heure média pour une émission 100% info et média. Comme tous les jours, ils feront un petit voyage dans le temps sur une année en particulier avec une année un média. Je vous dis pas laquelle, ça sera une surprise tout à l'heure. Alors restez bien à l'écoute de Studek Web entre 16h et 17h. Et vous pourrez aussi les regarder en live sur le site studioecoledefrance.com. Studek Web 15h30. Studek Web, les infos. L'essentiel de l'actualité, Valentin Pat, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous. Cette colère, nous ne la découvrons pas, Édouard Philippe, face aux sénateurs cet après-midi. Le Premier ministre prononce un discours où il a rappelé la suppression des mesures fiscales prévues pour la rentrée de janvier sur la taxation des carburants. Parmi les annonces, des moyens exceptionnels, 65 000 effectifs de forces de l'ordre seront déployés samedi. Le ministère de l'Intérieur prévoit un samedi noir à Paris. L'appel à la mobilisation des Gilets jaunes est fortement relayé sur les réseaux sociaux. Les 7 syndicats principaux Hidalgo dénonce toute forme de violence dans l'expression des revendications et demande au gouvernement de garantir enfin de réelles négociations. Le Parti Socialiste, la France Insoumise et le Parti Communiste vont d'ailleurs déposer une motion de censure contre le gouvernement lundi. Christophe Castaner en appelle à la responsabilité des représentants politiques du pays. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a d'ailleurs salué ce matin le geste d'apaisement du gouvernement. Les tensions se poursuivent aujourd'hui puisque les lycéens manifestent dans plusieurs villes de France pour le quatrième jour d'affilée. La police a d'ailleurs interpellé 146 personnes devant un établissement des Yvelines à Mantes-la-Jolie après une série d'incidents. Autre conséquence du mouvement des Gilets jaunes, le report de 4 rencontres de Ligue 1 initialement prévues ce week-end. Après PSG Montpellier, Toulouse, Lyon et Monaco-Nice, c'est le match Saint-Étienne-Marseille qui se jouera une date ultérieure pour des raisons de sécurité à la demande de la préfecture de la Loire. L'Assemblée nationale a voté la nuit dernière la fusion controversée des tribunaux d'instance et de grande instance. Cette mesure examinée en première lecture dans le cadre de la réforme de la justice a été adoptée par 58 voix pour et 34 contre. L'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon annonce qu'il conduirait une liste aux européennes alors que les listes à gauche s'annoncent multiples. Benoît Hamon affirme vouloir d'abord construire une alliance citoyenne puis parler avec des mouvements politiques, notamment les communistes. Le pape François se rendra à Abu Dhabi du 3 au 5 février prochain pour participer à une rencontre interreligieuse sur la fraternité humaine. Le pontife argentin répond alors à une invitation du prince héritier d'Abu Dhabi et de l'église catholique des Émirats Arabes Unis. Un après-midi humide sur une large moitié nord puisque la pluie est présente de la pointe du Cotentin au Hauts-de-France jusqu'à ce soir. Seul le Grand Est est épargné par les gouttes. Quelques éclaircies sur la façade atlantique. Grand soleil et ciel bleu sur la Côte d'Azur qui évite la perturbation pluvieuse. Les températures sont comprises entre 5 et 15 degrés. 5 à Annecy, 10 à Mulhouse, 13 à Paris et Brest, 14 à Montpellier et 15 à Marseille. Tout de suite, retrouvez Julie et toute l'équipe de Studec Borderline sur Studec Web. Merci Valentin, ne ratez pas les prochaines infos à 16h. C'est Borderline sur Studec Web. Vous êtes branchés sur Studec Web, c'est Borderline jusqu'à 16h. On joue aux poupées russes dans moins de 20 minutes. Je vous rappelle les règles, vous choisissez un animateur à affronter sur un thème précis. Morgane, c'est les princes. Et Corentin? Mais ne choisissez pas, prenez Corentin, merde. Mais non, prenez Morgane. Non. Oh. Ils vont se disputer. Ça fait une semaine que je me le trimballe là, le sac à main, personne m'en veut. Eh ben change. 45 secondes pour citer un max de réponses en rapport avec un des thèmes et vous repartez avec votre pack Studec Web. Inscrivez-vous simplement sur la page Facebook du Studec. Bonne chance, c'est peut-être vous qu'on appellera. En attendant, on fait une petite pause café avec les trois cafés gourmands sur Studec Web. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monétières, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une convidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez sur le capter ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Trois cafés gourmands à nos souvenirs sur Studek Web. Cette chanson, je crois que je l'entends au moins une fois dans toutes les soirées. C'est un truc de fou. Bah, je sais pas quelle soirée tu vas. Bah, c'est ça. C'est une soirée lambda. Il y a toujours cette chanson. Ouais, ah oui. Comment c'est pas toi une soirée d'Explore qui parle là. Cet après-midi, tu nous parles de spectacle. Toi qui parles. Exactement. Ah, il m'a saoulé. C'était la semaine dernière. Les étoiles du Parisien. Vous savez, des trophées qui sont décernés par le journal Le Parisien dans différentes catégories, notamment celle d'espoir de l'humour. Et le regagnant n'est autre que le francilien Roman Frayssinet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Roman Frayssinet. Ça me dit quelque chose. C'est ouais, très connu Roman Frayssinet. Ouais. C'est un jeune talent qui a remporté sa première distinction en espérant que ce soit le début d'une longue lignée pour lui. Mais plus que le trophée, notre Mbappé du stand-up débute sur les chapeaux de roue avec une participation au Marrakech du Rire et un nouveau spectacle lancé début 2018 qui cartonne. Et c'est là qu'il faut être attentif. Notre prodige One Man Show était sold out depuis plusieurs mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait plus de place, vous ne pouvez plus en acheter. Impossible d'acheter un seul billet pour le voir se produire. Il en a même ri à sa manière en faisant publier dans le métro parisien des affiches qui faisaient la promotion de son spectacle. Mais avec l'inscription, Roman Frayssinet est complet. Il ne reste aucun billet pour voir son spectacle. Cette pub ne sert donc à rien, il voulait seulement flatter son ego. Bon coup de marketing pour ça. Mais la bonne nouvelle, vu le carton que c'est, il a rajouté des dates et il sera au Théâtre de l'Œuvre dans le 9e à Paris, là, quasiment toutes les fins de semaine du 10 janvier au 30 mars. Alors réservez vite vos places pour Roman Frayssinet et tous ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est ça. Je te jure, chacun ses divertissements. Il y a des gens, ils ont des. Non, c'est vrai, il y a des gens, ils ont des drôles de divertissements quand même. Il y a des gens, ils font du marathon de leur propre chef. Tu réalises, c'est des gens, ils se réveillent le matin. Ils se disent, oui, 42 km, oui, c'est une bonne idée, oui. Moi, tu m'appelles, tu me dis 42 km, peu importe le véhicule, je raccroche. C'est la dernière fois qu'on se parlait, en fait. 42 km pour finir dans la même ville. Moi, si je fais 42 km, il faut que le paysage, il ait changé. Sinon, comment j'explique à mon corps pourquoi on est fatigué? Il va me dire, on était là tout à l'heure. Je lui dis quoi, moi? Oui, mais le dossard, il est stylé, à vous. Il est génial, bien trouvé, il est super drôle. Roman Frayssinet, allez voir aussi sur son Insta Roman Frayssinet pour voir à quoi il ressemble. Il a un physique, tu te marres. Il est drôle, il s'habille, années 90, on dirait Marty McFly. C'est comme ça, ils ont un physique très bon. Et bien écoute, on ira voir ça, Coco. Bonjour, c'est l'instant T? Non, madame, c'est l'instant nouveauté sur StudiQueb. Au revoir, madame. On n'a même plus le droit de se tromper. Morgane, tu vas nous parler d'un nouveau talent, c'est une fille. Exact, aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune artiste de 24 ans. Alcée, de son vrai nom, Ashley Nicolette Frangipane. Alors, comme la galette des rois, mais ne vous me prenez pas, aux États-Unis ça n'existe pas. Elle débute sa carrière musicale en postant des reprises sur YouTube sous son véritable nom. En 2014, elle enregistre un nouveau single intitulé Ghost. Et le poste sur SoundCloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer ainsi que promouvoir et distribuer leurs projets musicaux. Le titre fait parler d'elle et lui permet de signer un contrat chez le label Astral Work. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est pas très connu. Mais sa voix par contre me fait penser à Ellie Goulding. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu le même style. De voix, ouais. Elle sort alors un EP et elle effectue dans la même année la première partie du groupe The Cox. Vous connaissez The Cox? Non plus. C'est un célèbre groupe américain. Bon, il est pas très connu, ils sont pas très connus en France, hein. Elle accompagne également par la suite le groupe Imagine Dragons. Là, on se comprend, les gars. Là, elle pèse dans le game. Hein. Son premier album, Studio Badlands, sort le 28 août 2015. Plus d'une année après, elle sort son featuring avec les Chainsmokers. Vous connaissez ça, c'est DJ, ça. La chanteuse est en couple depuis 2017 avec le rappeur G-Eazy qu'elle a rencontré lors d'une soirée et leur relation. Attends, t'as dit quoi ? Comment il s'appelle le rappeur ? C'est G-Eazy. G-Eazy ? Oui, c'est pas Jay-Z. Ah, c'est pas Jay-Z. Ah, et leur relation, elle est confirmée par le titre Him and I. Ils l'ont chanté ensemble et elle apparaît sur l'album du rappeur. En mars 2017, elle annonce via son compte Instagram la sortie d'un nouvel album. Il est sorti le 2 juin dernier et s'intitule Hopeless Fountain Kingdom. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de ce nouvel album qui est sorti le 2 juin dernier. Une chanson qu'elle a écrite suite à sa rupture récente avec le rappeur G-Eazy, Asley Without Me. Heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Deep in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live. Took yours and made mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up. Without Me, eh ben moi je vous conseille vraiment d'aller acheter cet album, hein, parce qu'il est extraordinaire, franchement. Moi j'ai adoré la chanson. Elle chante super bien, tout, vous allez kiffer les gars. Moi je vous le rappelle, le jeu des poupées russes arrive, inscrivez-vous vite sur le Facebook de Studek Web. Vous devrez donner le maximum de réponses à une question sur un thème au choix en 45 secondes, soit celui de Corentin, le sac à main, ou celui de Morgane. Les princes. Impact Studek Web à la clé avec une visite des studios, bonne chance à tous. Le serment d'Hippocrate arrive en fin d'émission et dans moins de 3 minutes on va écouter Lady Gaga avec I Want Your Love. Je Restez avec nous sur Studek Web. Détendez-vous, on est bien sur Studek Web. Du lundi au jeudi à 17h, Steph, Bat et Bilal vous raccompagnent à la maison dans le GPS. La rampe de lancement de votre soirée. Personne n'en rêvait et ils l'ont fait. Une heure de bonheur radiophonique avec nos trois bras cassés. Au programme culture, info, musique, art de vivre et une sérieuse dose d'humour. L'Happy Hour avant l'heure, c'est dans le Grand Prime Studek Web. Tous vos hits réunis sur une seule radio. Studek Web. 100% nouveaux talents. En moins de 5 minutes, le jeu des poupées russes sur Studek Web. Do you feel like you ever want to try my love and see how well it fits? Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Lady Gaga à l'instant sur Studek Web, elle a remporté l'award de la meilleure actrice pour le film Star is Born. En plus, il y a mon ex qui joue dedans aussi, Bradley Cooper. Je suis trop contente. Oh là là, Julie. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. On y est, c'est le moment de jouer avec l'un ou l'une d'entre vous aux poupées russes. Alors, un auditeur a été chanceux, c'est Nicolas. Tu nous entends, allô? Ouais, allô. Salut Nico. Ça va? Salut toute l'équipe. Salut. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 19 ans et je suis étudiant en informatique. Ok, bah c'est super ça. Et tu fais quoi exactement? Tout ce qui est intelligence artificielle. C'est sympa ça. Ça doit être dur par contre, non? Ouais, c'est super compliqué. Alors, est-ce que tu te rappelles des règles du jeu? Ouais. Bon, je l'ai dit quand même pour les auditeurs. Morgane a choisi un thème qui est les princes. Et Corentin, le sac à main. Tu vas devoir choisir un des deux thèmes et tu auras 45 secondes pour donner le plus de réponses possible à une question en rapport avec le thème que tu auras choisi. Alors Nicolas, ma question est simple. Qui as-tu choisi entre Morgane et Corentin? Corentin. Oh, ah, bien joué. Ça fait une semaine que je me le trimballe ce sac à main, merde. Ouais, c'est enfin. Vrai qu'il est temps que tu changes eh ton, oui. ton thème. Écoute Nico, il va falloir que tu me cites 10 objets qui commencent par la lettre C et qu'on peut retrouver dans le sac à main d'une femme. Est-ce que t'es prêt? Ah t'es mal barré là. Ça c'est facile mon pote, je t'en donne un déjà, un chouchou. Comme ça tu commences bien, ok? C'est parti, t'en restes plus que 9. 3, 2, 1, let's go. Bah du coup un chouchou. Ouais. Une carte bleue. Ouais. Une carte d'identité. Ouais. Une carte de fidélité. Ouais, s'il fait toutes les cartes. Ouais. Ah, ça marche. Carte routière. Ça marche aussi. Carte routière, d'accord, ouais. C'est plus dans les voitures ça. Je sais pas après. Ça existe plus surtout. T'en as 5, t'en manques 5. Ok, le 1er décembre c'était la journée de la lutte contre le sida. Ah oui, des capotes. Ouais, c'est bien ça. Ok, tu vas chez l'esthéticienne, tu te. Je sais pas. Les ongles, et il faut un. Ah, t'as dit quoi, merde? Ah, un coupon, merde, un coupon. Mais t'énerve pas, Coco, c'est pas grave. Ah, Nico, tu m'énerves. C'est sûr. Non, mais Nico, on pourra rejouer avec nous. Oui, et puis on peut peut-être négocier au moins une visite, ouais, non au moins. Mais non, mais il y avait plein de trucs. Il y avait un chien, t'aurais pu dire un chihuahua, des confettis, un classeur, des cahiers, un Corentin en miniature. Mais, merde. T'en peux plus avec ton thème là. Il était temps que tu t'en débarrasses. Hein. Oh là là. Bon, Nico, t'es déçu? Ouais, mais bon, c'était marrant quand même. Non, bah on peut peut-être te négocier un pack Studek Web. Je pense qu'avec la régie, si ouais, d'accord. Ouais, si Gwendal fait un oui de la tête. Il t'offre même son t-shirt Polaroid. Il a un t-shirt. Et il a même dit qu'il t'offrait. C'est ça son cadeau. Il t'offrait sa queue de cheval. C'est magnifique, sympa. Trop bien. Voilà. Mendel, c'est le réalisateur. Il est très généreux. Oui, il est super gentil. Bon, bah, Nico, du coup, désolé. Hein, mais bon, si jamais vous voulez retenter votre chance, il va falloir attendre lundi pour jouer avec nous au Poupée Russe et tenter de gagner un pack Studek Web. Vas-y. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studek Web. Accusez Alice. C'est moi-même. Levez-vous. Mesdames et messieurs, la cour. Il y a une vraie ambiance. Asseyez-vous. Alice, on vous accuse aujourd'hui. Vous êtes coupable ou non? Bon, déjà, comment vous allez, Alice? Écoute, si je suis coupable, ça va quand même pas très fort. Alors, pour être acquitté, il faudra trouver qui dit la vérité entre Corentin, Morgane ou moi. Et si vous trouvez la personne qui dit pas de mytho, eh ben, vous aurez gagné. Sinon, il y aura un petit gage. Ok. Alors, voilà. Rappelez-vous quand même des jours précédents. Hein. Les jours où j'étais très forte et où j'ai tout trouvé, oui, je me rappelle très bien. C'est oui. ça. Morgane, vas-y. Alors, moi, j'ai bossé pendant un an à Géant Casino. Et en fait, j'étais caissière. J'étais peut-être la plus jeune et la plus belle. Je me vante pas. Hein. Un peu quand même, mais bon. Et en fait, les clients me draguaient à chaque fois qu'ils passaient à ma caisse. Et un jour, il y en a un, il est revenu à ma caisse et il m'a chanté une chanson. Et à la fin, il m'a donné son numéro. Waouh. Je tiens juste à préciser okay. qu'on est à 3. Hein. Là, t'es dans la ville de 3. À 3, oui. T'es à 3. D'accord. À Barberey, plus précisément. D'accord. Alors Alice, moi, je vais te raconter quelque chose qui est vraiment vrai, c'est la vérité. En fait, j'ai fait du cheval pendant 6 ans. Et c'était en CM2, j'ai fait un... Non, c'est vrai, hein. J'ai fait un concours. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis tombée. Mais pas tombée, une petite chute. Hein. En fait, le poney que j'avais, elle est super vite et mon pied est resté accroché. Ma botte est restée accrochée dans l'étrier. Et le cheval m'a traîné tout du long de la piste, en fait, et j'avais du sable dans le nez. C'était horrible, ma pire chute à cheval. Voilà, moi, c'est mon anecdote. Ouais, il m'arrivait déjà à peu près la même, donc je peux te croire. Ah ouais. Ok, moi, attends. Je vais jouer les collabos. Je joue la balance. Ça ne me concerne pas. Ça concerne quelqu'un de l'équipe qui travaille à la technique, qui s'appelle Victor. Ouais. Notre ami Victor, alias Marty McFly, parce qu'il vit dans le passé. Marty McFly entretient actuellement une relation avec quelqu'un de l'école. Non. Elle s'appelle comment la personne? Elle s'appelle, pourquoi elle? C'est bah, la il. Personne. La personne. Elle s'appelle comment? La personne s'appelle Gwendal. Ah. Tous les deux. Ah, ok, c'est bon. Alors toi, t'es un gros mytho déjà, toi, c'est sûr que c'est mort. Et franchement, Coco. Bah, pourquoi? Qui sait? Parce que moi, je. Non. On sait pas ce qui se passe sous la console, hein, personne ne voit tout ça. Ah, non. C'est vrai qu'on les voit pas, on les voit pas. On a peut-être pas envie de voir non plus. Non, je pense savoir que Gwendal n'est pas gay, donc. D'accord. Alors, t'es bien la seule à penser ça. Alors, Alice, Gwendal. Alice, pour toi, qui dit la vérité? Alors pour moi, Julie, elle dit les vérités parce que j'ai presque vécu pareil aussi. En fait, du cheval pendant très longtemps et je sais à quel point on peut se casser la gueule rapidement et se faire traîner par son cheval. Donc je dis que Julie dit la vérité. Alors Alice, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça t'a amélioré, Alice, c'est bien. Le pire jour de ma vie, c'était vraiment horrible. Oh, comme je te comprends, Julie. C'est un traumatisme incroyable. Clairement, oui, c'est le sable. Dans... Non, je même pas mon, anecdote était presque vraie. Mais toi, en général, elles sont toujours vraies, tes anecdotes. Ouais, Morgane. Bah, t'as toujours des histoires improbables. Improbable. Alors, Alice, presque. Il n'y a pas eu la sérénade. Alice, dans ton émission, il y aura une année un média et les Zap TV, c'est ça? Zap TV, une année un média, au jour c'est qui c'est quoi? Et ben on a hâte. Et puis nous on se retrouve dans 3 semaines. Lundi vous pourrez retrouver Anaël, Thomas et Lucas dans Studek Borderline. Merci de nous avoir écoutés toute la semaine. On se revoit super vite. Ouais. Merci à l'équipe. Ciao tout le monde. Bisous. Ciao, bon ciao. Ciao. Ciao. Bisous. Bisous et tout de suite c'est Khaled. On va danser, c'est la...